Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un dessin animé délirant. Ham, un jeune chimpanzé de cirque rebelle, est choisi pour participer à un programme spatial hors du commun afin de découvrir une vie extraterrestre au-delà des étoiles. Il rejoint une équipe de chimpanzés de l'espace pour subir un entraînement digne des plus grands. Cette mission va traverser pour nous le cosmos. Avec l'espoir de trouver enfin la réponse à cette question ancestrale, existe-t-il une vie intelligente ailleurs que sur Terre ? Ils sont trois, ils sont fiers. Toute leur vie, nous les avons entraînés dans cette perspective. Les singes ! Commandant Titan, navigation et positionnement. Lieutenant Luna. Ham, glandouille et glandouille. Je suis fort, je suis Titan. Ferme ta bouche, on voit tes dents. Ouais. C'est là qu'on va rire. Comment ça va vite ? Tu vas me dire qu'on peut en parler plus tard, mais tu peux m'aider à déménager la semaine prochaine ? Faudrait mieux que ça marche. On n'a jamais que trois chimpanzés dans un vaisseau spatial à 3 milliards 700 millions de dollars, détendez-vous. Ok, ça va, c'est bon. C'est quand qu'on arrive ? Nous voilà officiellement chimpanzés de l'espace. Vous en auriez une couverture. Les chimpanzés de l'espace. Pour nos jeunes amis, un DVD M6 vidéo.